Delphine et Marinette revenaient de faire des commissions pour leurs parents et il leur restait un kilomètre de chemin. Il y avait dans leur cabas 3 morceaux de savon, un pain de sucre, une fraise de veau et pour 15 sous de clou de girofle. Elles le portaient chacune par une oreille et le balançaient en chantant une jolie chanson. Oh, Marinette, regarde là-bas, juste au tournant de la route, un gros chien, tout ébouriffé, et qui marche tête basse. Oh, il paraît de bien mauvaise humeur. Comme ses crocs sont pointus et luisants. Et cette grande langue qui pend par terre. Oh, le voici qui se met à courir. Oh, oh, il est allé donner de la tête contre un arbre. Il s'est fait mal, il gronde. Oh, j'ai peur, Delphine, serre-toi contre moi. Chantons pour nous donner du cœur. Malbrook s'en va, s'en guerre, mirotaine. Malbrook s'en va, s'en guerre, il s'approche. Il est 11h, vous êtes bien sur Brume et ses bandes à part, l'émission mensuelle du rock progressif. Au programme de cette deuxième heure, Tibet, Porcupine Tree, Arena et j'en passe. Et également le concours pour gagner des compilations et quelques magazines. Avec une question d'une facilité redoutable. Mais avant ce concours, Tibet, c'est une réédition de chez Musea, tout à fait sympathique. Un groupe allemand de la fin des années 70, comme il y en a eu pas mal. Un groupe qui rappelle un petit peu England, Spring, etc. par la profusion des claviers, par le style musical. Voilà, c'est une heureuse surprise. Ça peut être un des albums du mois sur bande à part, s'il n'y avait pas Porcupine Tree et Arena. C'est vraiment sympa, je vous le recommande. C'est Tibet, c'est sur bande à part et c'est une réédition de chez Musea. Tibet, comme le pays. Imagine evening at the seaside, when the sun falls in the sky. A group of birds in their homeward flight is announcing the approaching night. Another flash of lightning. Voilà un groupe bien sympathique, Tibet. Un cadeau, des cadeaux bien sympathiques en téléphonant, prenez un papier, un crayon, au 78 89 45 05, 78 89 45 05. Les premiers à appeler gagneront la compilation de chez Cyclops avec plein de beaux mondes, entre autres Grace, entre autres Haze, que du néo-prog british de haute volée. Le deuxième gagnera une compilation de chez Musea, 30 balles pour 70 minutes de rock progressif français, que du beau monde, Atoll, Mona Lisa, Ange et j'en passe. Et pour les suivants, eh bien, j'essaierai de leur donner quelques magazines du style Harmonie, Voici Dragon, j'en ai toujours au fond de mon cartable. Alors, pour mériter tout ça, il faut répondre bien sûr à une question, évidemment, il suffit pas d'appeler. Pour répondre, il suffit d'appeler, mais pour savoir la réponse, il faut entendre la question. La question, la voilà, j'y viens, j'arrête de vous faire griller. Carpe diem, c'est du latin et ça veut dire quoi ? Carpe diem, c'est du latin et que veut dire carpe diem ? 78 89 45 05, c'est parti également avec Porcupine Tree, troisième album, superbe album du mois, Porcupine Tree, sur le 90.7. You're listening to Bande à part, the progressive program in Lyon. Thank you. We stepped right out of the net. Drifted into blank to space. And let the clocks relapse. Thank you. quelle vie, alors. C'est la vie de bohème. Non, on remet ça, hein, c'est trop joli. Allons-y. Allez, chef. Un, deux. C'est la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans. Mais que nous venons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout. Et on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. N'appelez plus pour le concours, c'est gagné. Carpe diem, cueille le jour. Et oui, ceux qui ont fait du latin ont gagné deux lasers, et pas des moindres, une compilation de chez Musia, le label progressif français par excellence, et une compilation de chez Cyclops, on peut dire également le laser progressif anglais par excellence. Je reviens sur Porcupine Tree, cet homme, puisque c'est Steven Wilson qui est derrière, eh bien, beaucoup de talent. Je trouve que c'est franchement progressif dans l'âme, dans l'esprit, c'est-à-dire un mélange, une alchimie, un patchwork, vraiment, un petit peu tout, on mélange et on crée quelque chose de nouveau. C'est franchement bon. C'est le troisième album, le troisième opus de cet homme. Premier maxi, ensuite un deuxième up de Downstairs et un troisième, le voici, le voilà, qui vient de sortir, super pochette. Voilà, hautement recommandé aux amateurs du Floyd et également aux gens qui aiment sortir des sentiers battus. Je reviens comme chaque mois sur la presse progressive. Je vous signale la sortie de Rockstyle, toujours superbe, vraiment indispensable. Le best des années 90, allez on l'a dit, oui effectivement, le magazine qui est ouvert, open-minded comme disent les anglais, qui pratique l'ouverture, qui parle de hard, de rock, de reggae, de trash, de tout ce que vous voulez et de progressif. Pas d'ostracisme, pas d'interdit, on parle de la bonne musique, du moment que c'est de la bonne, on en parle. Rockstyle ou Rockstyle si vous préférez, en kiosque. Voilà, ça fait plaisir, en tout cas pour les amateurs de prog, que cette musique se démarginalise. Je veux parler de Best, un des anciens, des piliers du rock, en tout cas en ce qui concerne la presse. Rock et folk, curieusement, j'insiste sur le curieusement, s'intéresse à nouveau au progressif. Alors que Best a complètement viré depuis une bonne année maintenant, depuis que notre ami Hervé Picard est parti à la retraite, ou en tout cas à ses chères études littéraires, eh bien il n'y avait plus grand chose, à part bien sûr Rockstyle, les petits jeunes, les petits nouveaux, qui fapent très fort, je le rappelle. Eh bien, Rock et Folk, curieusement, grâce à un chroniqueur, un ou deux chroniqueurs, s'intéresse à nouveau au progressif. On a vu une chronique de Roy Stolt, vous savez, le guitariste fou et talentueux de Kaipa, de Flower King, étant son premier album, j'en ai passé des extraits et j'en ai dit tout le bien que j'en pensais. On voit également un peu de publicité pour MSI, les produits Musea. Bon, c'est en filigrane, c'est en pointillé, mais c'est une toute petite lucarne qui s'ouvre. Ouf, merci Aspro. J'ai reçu également Harmonie, j'en reparlerai un peu plus largement la fois prochaine. Ça déborde d'informations, de chroniques, plus de 100 pages. C'est du vrai délire pour 30 balles ou 35 balles. C'est un régal que l'on sert et qu'on se délecte et qu'on revient régulièrement. La Bible du rock progressif. Allez, je vais vous faire un petit cadeau. Ceux qui ne connaissent pas Harmonie, je vous propose non pas le dernier, ce serait quand même un petit peu trop vache pour ce magazine, mais un exemplaire ancien vous permettant de découvrir cette revue. Allez, vous me passez un petit coup de fil au 78 89 45 05 et je vous envoie par la poste, dès que la poste est ouverte, un exemplaire de cette revue, pilier phare encyclopédique du rock progressif. Au niveau concert, c'est plutôt le désert. Peut-être John Wesley grâce à l'ami Roger de la FNAC du club Hard Rock fin mars. Peut-être Christian Descamps à Saint-Étienne. Tout ça reste à confirmer. Restez à l'écoute. Sinon, votre humble serviteur bosse sur le prochain Acid Dragon, ainsi qu'André et plein de copains, dont certains sont des auditeurs. Le Acid Dragon, eh bien, nouveau numéro 13 est superbe, puisque déjà plus d'une soixantaine de revues, de chroniques, reviews, c'est le mot qui me vient anglais, à l'esprit, et des dossiers sur SBB, une interview de Citizen Kane, de quoi s'en mettre plein les yeux. Également, si vous êtes sage, je vous envoie un numéro gratuit, au 78 89 45 05, un ancien numéro d'Acid Dragon, histoire de découvrir ce qui se fait à Lyon en matière de progressif, et également de parfaire votre anglais. Voilà, on continue avec un morceau de choix, et je pèse mes mots, Arena. Arena, c'est un nouveau groupe british avec un certain Clive Nolan au clavier. Oui, vous avez reconnu le claviériste de Pendragon. Avec Mick Pointer à la batterie, c'est le premier batteur de Marillion, carrément. Et un joyeux inconnu qui a joué dans Asia. J'ai oublié son nom, je vous le dirai tout à l'heure. En tout cas, un guitariste de toute beauté. Voilà, tout ça vous mélangez et ça vous donne du Marillion grande époque. Oui, c'est vraiment superbe. Tout le monde craque là-dessus. Ça s'appelle Arena. Et c'est sur le 90.7 en exclusivité. Vous pouvez dire, la première fois que j'ai entendu Clivin Dieu, c'était sur Bonaparte, la Marie. Arena. Attention les oreilles. I've heard this before, and I've been here before. from home than failure. Look further than your preconceptions, expectations. Where the power of the mind can take you out beyond this bridge. Higher than the dull and simple world you know so well. Back to bed. A desperate chance, the lost hope is born.